L'actualité à Nancy et ailleurs. Le pôle bijoux de Baccarat présente jusqu'au 18 novembre l'exposition Rêves botaniques. 22 créateurs contemporains rendent hommage au naturaliste lorrain Charles-Nicolas Sigisbert Sonnini de Manoncourt. Monique Manoa, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du pôle bijoux de Baccarat et donc avec vous on va découvrir un peu plus ce personnage et ce qu'on va pouvoir découvrir lors de cette exposition qui est donc visible jusqu'au 18 novembre. Alors Charles-Nicolas Sigisbert Sonnini de Manoncourt, qui est-il et pourquoi ce choix ? Oh, alors, c'est une belle rencontre, on va dire, pour toute notre équipe et toute notre structure. C'est un Lunévillois. Il est né en 1751 à la cour de Stanislas. Son papa était le liquoriste de Stanislas. Il était venu d'Italie pour travailler avec Léopold et est resté sous Stanislas. Alors, liquoriste, ça voulait dire qu'il faisait les liqueurs, certes, mais pas uniquement, aussi les confitures, etc. Et il a créé l'entreprise Les Liqueurs de Lorraine, dont la première unité de production a été à Lunéville, mais après, il en a créé un peu partout dans le Grand Est et il a exporté ses produits jusqu'en Amérique, déjà au XVIIIe siècle. Donc ce monsieur de Sonnini a des enfants, son cinquième enfant est Charles-Nicolas Sigisbert, et qui va être un très brillant personnage, puisqu'à 15 ans, il soutient une thèse de philosophie à Pont-à-Mousson. Il est reçu, ensuite il part faire son droit à Strasbourg, il devient avocat à la cour de Nancy à 17 ans. Et puis, il veut aller au bout de son rêve, qui est le voyage, qui lui a été sans doute soufflé par ses correspondances dès l'âge de 14 ans avec le comte de Buffon. Et il obtient de sa famille le droit de s'engager dans l'armée. Et il va rejoindre les cadets de marine et à ce titre partir d'abord en Guyane. Et là, il va commencer des expériences. Alors beaucoup de... Il paye sur ses propres deniers une première expédition dans les confins de la Guyane. Il ira jusqu'aux frontières du Pérou, c'est le premier à faire ça. Et non seulement il réussit sa mission, mais en fait il revient avec tout son monde. Il est parti avec quelques hommes et ils reviennent tous, alors qu'ils ont voyagé dans des conditions monstrueuses. Et c'est le début d'une grande aventure. Il va devenir voyageur du roi et à ce titre parcourir un certain nombre de pays, dont il ramènera plein d'échantillons pour le cabinet d'histoire naturelle du roi de France, mais aussi un certain nombre de plantes. Et à son retour de tous ses voyages, il s'installe à Manoncourt en Vermois, où il crée un petit domaine agricole et il s'adonne à sa passion autre que le voyage, qui est la botanique. Et on lui doit l'introduction du fenugrec, mais aussi de la grande veste, enfin, d'un certain nombre de plantes fourragères, et aussi de la rutabaga. Ce personnage, on le connaît peu. On l'a toujours présenté d'un point de vue historique comme le suiveur de Buffon, alors qu'en fait, lui-même a initié un certain nombre de choses et on avait un peu envie de le réhabiliter. Pour faire découvrir un peu plus ce personnage, 22 créateurs, je dirais même 22 créatrices, se sont penchés sur son travail et sur sa vie, extrêmement riche d'ailleurs, et vont proposer des œuvres. Donc comment va se passer cette exposition et que va-t-on pouvoir découvrir ? Effectivement, on a lancé un appel à candidature internationale, ce qui permet que dans cette expo, il y ait des gens qui viennent du Canada, par exemple. L'idée, c'était de rendre disponible une grande partie des sources écrites de Sonnini, donc de faire accéder aux créateurs à ces fonds anciens. La bibliothèque Stanislas à Nancy possède une grande partie de son fonds avec des choses peu connues comme environ 115 courriers écrits de sa main. En fait, on fait deux expos sur ce personnage. En ce moment, c'est Rêves botaniques. Et puis, à partir de février prochain, on aura une expo sur sa passion des voyages. Et donc, en fait, il fallait qu'ils interprètent de manière contemporaine ce qu'ils éprouvent en tant qu'artistes par rapport à un personnage comme Sonnini. Donc, ça, c'était là, dans son rapport à la botanique, avec des aspects peu connus. C'était aussi un féministe, donc on a deux artistes belges qui ont fait un clin d'œil à ce côté féministe du personnage et à la germination. Chacun des gens qui ont travaillé sur les planches botaniques qui accompagnent certains de ses ouvrages, qui sont vraiment très très belles. Chacun, en fait, amène son propre regard. Et pour nous, ce qui était important, c'est qu'ils utilisent des fonds anciens du 18e, tout début du 19e siècle pour les réinscrire dans une création. Donc, évidemment, on ne peut pas faire expliquer tout ça par téléphone. Le plus simple, c'est vraiment de voir toutes ces œuvres magnifiques qui ont été proposées par ces créateurs et créatrices. Le pôle bijoux, comment on le trouve ? C'est à Baccarat, je l'ai dit tout à l'heure. C'est à Baccarat, c'est en bord de Meurthe. Le plus simple est de prendre la direction en Rambervillé, et puis de se garer derrière l'église contemporaine de Baccarat, et après on retraverse à pied. Et le pôle bijoux est juste en face du pont piéton. Voilà, c'est très facile à trouver une fois qu'on est sur place. L'exposition est visible jusqu'au 18 novembre. Il y a aussi des animations. Il y a des visites commentées, notamment très régulièrement, les deuxièmes... Dimanche de chaque mois, c'est ça. Voilà. Donc, parce que, effectivement, quand on présente une exposition, on explique des choses, mais on ne peut pas non plus donner une grande encyclopédie à lire. Mmh. Et puis, il y a là plein de savoir-faire, puisqu'il y a du bijou textile, du bijou... très classique, non pas d'un point de vue esthétique, mais très classique dans les matériaux qu'il utilise, avec de très beaux travaux de métal repoussé, d'émaillage, etc. Donc les visites commentées, c'est aussi le moment pour comprendre un peu mieux les travaux, aussi d'un point de vue technique. Donc le deuxième dimanche de chaque mois, pour les enfants avec leur famille le matin à 10h30, et pour les adultes et les grands à 14h30. C'est gratuit pour les enfants, c'est 2 euros pour les parents. Et puis, à l'occasion des journées du patrimoine, eh ben, on a aussi des visites. Et là, c'est gratuit pour tous. Voilà, donc la visite commentée, c'est ce dimanche 9 septembre. Et les journées européennes du patrimoine, c'est la semaine prochaine. Voilà, et là, ça sera 15h le samedi et 10h30. Et 15h le dimanche. Et bien sûr, pour retrouver toutes les infos pratiques, je vous invite à vous rendre sur le site du Pôle Bijoux, qui est tout simplement www.pôlebijoux.com. Merci beaucoup, Madame Manois. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.